Section 20 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 3e. Section 20. L'armée russe et l'armée autrichienne, par A. Froment. Chapitre 1. L'émotion soulevée en Europe par les articles des journaux officieux du chancelier de l'Empire d'Allemagne et la possibilité d'une guerre depuis longtemps désirée par le parti panslaviste russe et les impériaux viennois donnent une certaine actualité et un grand intérêt à la connaissance des forces qui sont ainsi appelées à se trouver face à face. Pour l'instant, celle qui nous intéresse le plus directement et qu'il nous importe le plus de connaître, c'est celle de la Russie, et c'est par elle que nous commencerons. La dernière campagne où nous ayons eu affaire à l'armée russe est celle de Crimée, cette expédition malheureuse qui, avec la guerre d'Italie, nous a valu notre abandon et nos désastres de 1870. Au début de cette campagne, dont l'échec fut dû en majeure partie à l'insuffisance de l'administration militaire russe et à l'état social du pays, l'empereur Nicolas se figurait avoir une armée d'1 million d'hommes et s'en montrait très fier. Mais quand il eut convoqué ses troupes, l'immense étendue qui les séparait, la difficulté des communications, l'incurie et quelquefois même la malhonnêteté des chefs de corps, qui faisaient comme nos colonels avant Louvois, firent qu'il n'obtint qu'un nombre dérisoire d'hommes et qu'il ne put parvenir à jeter à la mer 80 000 soldats ennemis accrochés à un rocher et assiégeant pendant 1 an une seule forteresse de son empire. L'échec subi en Crimée fut pour la Russie une révélation analogue à celle que firent surgir chez nous les défaites de la dernière guerre. Dans l'ordre social comme dans l'ordre militaire, des modifications profondes furent décidées et exécutées successivement. Dans l'ordre social, l'émancipation des paysans fut la plus importante. Dans l'ordre militaire, l'influence de cette première mesure et l'exemple des résultats obtenus par l'Allemagne ont renouvelé entièrement le système alors existant et remontant à Pierre le Grand. La guerre turque qui éclata en 1877 trouva la Russie en pleine période de transition, car la loi par laquelle elle adoptait définitivement le système prussien ne datait que du 1er janvier 1874 et ne devait avoir produit des résultats suffisants qu'en 1889 pour l'armée active et la réserve, et en 1894 seulement pour la milice. Depuis la loi ancienne, les serfs seuls constituaient l'armée, tandis que les nobles, prêtres et marchands étaient exemptés du service militaire. D'office, dans chaque village, le seigneur désignait qui il lui plaisait pour former le contingent déterminé par l'empereur. On avait soin d'ailleurs d'y englober tout d'abord les mauvais sujets et les malheureux qui ne pouvaient payer l'impôt. On voit quelle armée l'on devait obtenir par ce procédé. D'ailleurs, le soldat était un être à part. Par le seul fait de son enrôlement, il perdait tous ses droits pour lui et les siens. Il n'était plus moujik, il était militaire. Et sa femme, devenue femme de soldat, était méprisée, délaissée et la plupart du temps tombée dans la prostitution. En ce temps-là, le knout et les verges, qui, contrairement à ce qu'on l'on croit, sont supprimés depuis 25 ans, régnaient en maître dans l'armée russe. Et le soldat était, malgré son intelligence naturelle et son esprit d'initiative natif, complètement et rapidement transformé en machine vivante. La loi de 1874 a complètement transformé tout cela. D'abord applicable à une fraction seulement du territoire russe, elle a peu à peu été étendue à plusieurs des contrées qui en avaient été jusque-là exceptées, et d'ici quelques années sera uniformément imposée à tout l'Empire. D'ailleurs, si le principe de la loi nouvelle était intégralement appliqué, la Russie aurait en temps de paix une armée de 4 millions d'hommes, facilement doublée en temps de guerre. Aucun budget ne suffirait à une telle dépense. Sont exemptés encore des effets de la loi russe, des Cosaques régis par des règles particulières, certaines tribus de la Transcaucasie, de l'Oural, de la Sibérie, de l'Asie centrale, les individus de diverses nations telles que les Tchèques, les Mennonites, dont l'exemption du service militaire fut une des clauses de l'immigration en Russie. En somme, sur 107 millions d'habitants que comptent la Russie d'Europe et la Russie d'Asie, la loi ne s'applique guère qu'à 80 millions. D'après cette loi, la durée du service est de 20 ans, comme en France. Il est obligatoire, personnel, et en principe égal pour tous. Il n'y a ni exonération, ni volontariat, au sens où nous entendons ce mot. Chaque conscription compte environ 800 000 appelés, dont une moitié est dispensée par la loi, très large sous ce rapport, pour des raisons identiques à celles admises par notre loi française. Le contingent annuel est encore bien inférieur au chiffre qui reste. Il est déterminé chaque année par le tsar et varie suivant les événements. En 1875, il était de 145 000. 212 000 en 1878, année de la guerre de Turquie. Après avoir oscillé entre 200 000 et 230 000, il a été arrêté cette année à 235 000, c'est la fixation la plus élevée. La durée du service est en principe fixée à 6 ans. On parle bien de la réduire de moitié, mais le manque d'instruction générale s'y oppose encore. Aussi fait-on tout ce que l'on peut pour arriver à la développer et accorde-t-on des réductions de service considérables et proportionnées à ceux qui justifient d'une certaine instruction. C'est ainsi que les possesseurs de certificats primaires ne font que 4 ans, les élèves des écoles techniques 3 ans, ceux des gymnases 18 mois, enfin ceux des universités 6 mois seulement. À l'expiration des 6 années de service dans l'armée permanente, les hommes passent dans la réserve, où ils comptent pendant 9 ans, au bout desquels ils sont versés dans la milice, à laquelle ils appartiennent jusqu'à 40 ans. L'armée active russe est bien constituée et parfaitement instruite. Mais jusqu'ici, ces réservistes, qui, comme chez nous, sont d'après la loi susceptibles d'être convoqués 2 fois pour des périodes d'instruction, ne l'avaient pas été. C'est cette année, pour la première fois, au mois de septembre, que l'on en a convoqué un certain nombre appartenant aux classes 1877 et 1882. Et bien que leur organisation fût des plus rudimentaires, puisque la plupart durent conserver des vêtements civils, les résultats obtenus ont été très satisfaisants quant à l'ardeur et à la façon correcte dont ils servent. Avec cette organisation, la Russie possède actuellement un effectif de paix de 850 000 hommes, y compris les officiers. À ce chiffre, il y aurait lieu d'ajouter, en cas de guerre, 1 600 000 réservistes et 2 160 000 miliciens du premier ban parfaitement instruits, soit 4,5 millions de soldats. Ce n'est pas tout, il faut encore ajouter à ce nombre les troupes cosaques, qui sont soumises à un régime spécial dans le détail duquel nous n'entrerons d'ailleurs pas, et font 4 ans de service actif. L'effectif de ces troupes était de 54 000 en 1886, qui, en cas de guerre, serait quadruplé. On voit qu'au point de vue des effectifs, l'armée russe est largement partagée. Mais par cela même que sa population est considérable et son territoire immense, ses forces sont difficiles à grouper. Toutefois, il a été construit, au cours de ces dernières années, un certain nombre de lignes de chemin de fer, le long desquelles des troupes sont échelonnées, et qui permettrait de les mobiliser d'une façon suffisamment rapide. Pour l'armement, la Russie en est encore au fusil Burdan, arme à un seul coup, excellente d'ailleurs, et que les généraux russes, peu partisans des armes à répétition, ne semblent pas pressés de remplacer. Disons toutefois que des expériences ont été récemment faites à ce propos sous la direction du grand-duc Vladimir. Ce n'est pas tout que d'avoir un bon armement et des troupes nombreuses. La qualité est un coefficient dont l'importance, même à nos époques de masses armées, n'a pas décru le moins du monde. Que valent les soldats? Que valent les officiers? Que valent les généraux russes? Napoléon, qui n'eut que trop l'occasion de les apprécier, a formulé son opinion en ces termes. Il ne suffit pas de tuer le soldat russe, il faut le faire tomber. Le fait est que le soldat russe est excessivement brave, plein d'initiative, et évidemment, c'est de notre piou-piou qu'il se rapproche le plus comme caractère. Il lui est même supérieur à un certain point de vue. Un premier échec ne le décourage pas, et il voit tomber autour de lui des multitudes de ses camarades sans que son élan se trouve ralenti. Son fatalisme le soutient, de même que son esprit de discipline l'entraîne. D'ailleurs, les rapports entre soldats et officiers sont toujours très respectueux. Cependant, les mœurs patriarcales du pays s'y font sentir, et l'on y trouve des traditions qui nous semblent bizarres, mais qui sont la marque extérieure des sentiments qui règnent entre officiers et soldats. Le corps d'officier russe prête plus à la critique que la troupe. Bien que, depuis une quinzaine d'années, il se soit démocratisé, il reste en moyenne au-dessous de ceux des autres puissances européennes. Il y avait en effet en Russie, tout récemment encore, une sorte de classification des officiers, telle que, par exemple, un sous-lieutenant de la garde était l'égal d'un capitaine de la ligne. Or, on met dans la garde ou les grenadiers les officiers de la première noblesse ou de la plus grande fortune. En outre, les officiers qui ne sortent pas de ces corps ou de l'état-major sont à peu près infailliblement voués à ne pas dépasser le grade de capitaine. C'est principalement à modifier cet ordre des choses que s'est attaché l'empereur actuel. Toutefois, il existe encore quelques privilèges assez importants pour les officiers de la garde, et l'on peut dire qu'à l'exception des officiers des armes spéciales, généralement très instruits, les officiers subalternes des autres armes sont de beaucoup inférieurs à la moyenne de ceux des armées européennes. Quant aux généraux, la Russie en compte plusieurs qui promettent beaucoup. Les grands-ducs Vladimir et Nicolas, Gourko, Dragomirov et bien d'autres. La disparition presque mystérieuse et malheureuse du jeune et brillant général Skobelev a laissé dans l'armée russe un vide considérable. Nous pleurons des larmes de sang sur cette perte irréparable, disait un officier supérieur russe à notre attaché militaire lors de son inhumation. Évidemment, la mort de Skobelev a été un grand malheur pour la Russie et pour la France qu'il aimait autant qu'il détestait l'Allemagne. Mais, faute d'un moine, l'abbaye ne chôme pas. L'armée russe a d'excellents éléments, son corps d'officier se fait de jour en jour, et ses généraux comme ses soldats pourront, quand il sera nécessaire, nous donner la main contre l'ennemi commun. Fin de la section 20.